إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وأكمل الأمة إيمانا وأعظمهم خلقا وأفضل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وكان كثير الدعاء عليه الصلاة والسلام ومن الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم وهذا الدعاء جامع لأربعة أدعية غاية الاهتمام فسؤال الله الهدى هي طلب الهداية إلى معرفة الحق والباطل وأن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى ويلزم صراطه المستقيم وهذا لا يكون إلا بالعلم قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الهدى هنا بمعنى العلم والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقال له وقال الله له سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق عباد الله المراد بالتقى هنا سؤال الله التقوى قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله أعيد التعريف مرة أخرى قال الطلق بن حبيب رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والنور هو العلم على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله رواه ابن أبي شيبة في المصنف وقال الحسن البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وثمرات التقوى كثيرة يا عباد الله، ومنها أن أكرم الناس هم أهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال الإمام السعدي رحمه الله: أكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، ولا لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا. ومن ثمرات التقوى محبة الله، إن الله يحب المتقين. وفي التقوى أمان من الخوف ومن كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال السعدي رحمه الله: إذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. ومن ثمرات التقوى حصول سعة الرزق وفتح الخيرات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التقوى يقول الله تعالى: من ثمرات التقوى التيسير، تيسير الأمور. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها النجاة من الشدائد. يقول تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله، وأما المراد بالعفاف فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه، ويدخل ذلك أو يدخل في ذلك العفاف عن الزنا بأنواعه: النظر، وزنا اللمس، وزنا الفرج، وزنا الاستماع. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما الغنى المراد الغنى عن الخلق، بأن يستغني الإنسان بما أعطاه الله عما في أيدي الناس، سواء أعطى الله مالا كثيرا أو قليلا. والقناعة كنز لا ينفد، وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه، ولكن يكون في قلبه الشح والعياذ بالله، فتجده دائما في فقر. وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك الله عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي أن يدعى بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول الإمام السعدي رحمه الله: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، وهو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله، وبذلك يصلح الدين، يصلح الدين. فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى وقيام بطاعة الله ورسوله، فهو التقى والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية. وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور دالله، préservez-vous d'Allah et préservez-vous de son châtiment au jour de la résurrection. Le sujet de la khutba d'aujourd'hui est à propos d'une invocation, un dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait régulièrement. Et on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le guide des pieux, le plus parfait de cette Ummah dans sa foi et dans son comportement. Et il était le meilleur des messagers et des prophètes que Allah a envoyé à l'humanité et le plus complet des hommes. Et il faisait beaucoup d'invocations et il faisait constamment des invocations. Et les invocations font partie des causes. Les invocations font partie des causes. Souvent, les gens négligent l'importance de l'invocation. Ils disent, pourquoi les musulmans ont fait rien? Comme si, lorsqu'on faisait un dua, c'était rien. Au contraire, lorsque tu fais un dua, tu es en train de faire une cause. Tu es en train de demander à celui qui est derrière toutes les causes, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répétait souvent le dua suivant ou l'invocation suivante. Il disait, ô Allah, je te demande la guidance, al-huda, wa tuqa, la piété, wal-afaf, la chasteté, wal-rina, et la richesse. Et on va comprendre, à travers l'explication de cette invocation, tous les sens qui sont à l'intérieur de ces expressions et de ces termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans ce dua. Et qu'est-ce que chacun de ces termes-là signifie? Et donc, premièrement, al-huda. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Et la guidance, ça implique la science. Ça implique la connaissance, le savoir. Parce que sans connaissance et sans savoir, l'être humain, il est perdu, il est égaré. Et c'est pour cette raison qu'il demande la guidance, et la guidance, c'est la science. Et il n'y a pas de doute que c'est de connaître la différence entre la vérité et le faux. Quelqu'un peut avoir un doctorat en chimie, en physique, en médecine, mais s'il ne peut pas distinguer entre la vérité et le faux, entre le halal et le haram, entre le bon et le mauvais, entre la sunna et la bid'a, entre la guidance et l'égarement, entre le kufr et le shirk, et l'iman ou le tawhid, alors il est dans l'égarement malgré ses doctorats, malgré ses diplômes. Parce que la vraie science, c'est la science qui va te préserver du feu de l'enfer au jour de la résurrection. Toute autre science qui vient après, eh bien, c'est une science qui est secondaire dans son importance. La guidance, c'est la science, mais c'est pas seulement la science, c'est également le succès qui vient avec cette science, de mettre cette science en pratique et de pouvoir la mettre en application dans notre vie. Parce que si on a beaucoup de connaissances et qu'on a beaucoup de sciences, mais qu'on ne la met pas en pratique, cette science-là devient inutile. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, et comme Allah même il le mentionne dans le Coran, il a comparé les juifs en disant qu'ils sont comme des ânes qui portent des livres. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ. Ils ont beaucoup de science, mais ils n'en profitent pas pour eux-mêmes parce qu'ils ne la mettent pas en pratique. Donc ils sont comme des ânes qui portent des livres. Et bien entendu, l'âne, même si elle porte des livres, ça ne fait pas de cet âne un savant. Donc ça, c'est toute l'importance donc de demander la science. Et tout le monde a besoin de science. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de science. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ne te précipite pas dans le Coran avant que sa révélation soit terminée. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Rabbi zidni ilma. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah que Allah l'augmente en science. Donc ça, c'est la preuve que si lui, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, même lui, il a besoin de science, alors nous avons tous besoin encore plus de cette science. Allah subhanahu wa ta'ala dit également au messager, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et donc tout ça, ça implique la science et ça implique également le succès de suivre la vérité une fois que tu as reçu cette science. At-taqwa, at-tuqa, at-tuqa c'est dans le sens de at-taqwa. Et at-taqwa, ça veut dire la protection, min al-wiqaya. Et c'est de prendre une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Et au jour de la résurrection, il n'y aura pas de moyen de se protéger du châtiment d'Allah, excepté la foi et les bonnes œuvres. Dans cette dunya, si tu as peur de la chaleur, tu te couvres avec quelque chose pour te mettre à l'ombre, tu te protèges du soleil. Si tu as trop froid, tu te protèges du froid par un manteau. Pour te réchauffer, ou bien tu restes à l'intérieur de chez toi, tu te réchauffes. Ça, c'est une protection. Au jour de la résurrection, il n'y aura pas de protection contre le châtiment d'Allah, excepté at-taqwa. Et at-taqwa, c'est les bonnes œuvres que tu fais, et c'est le fait de t'écarter de ce qu'il a interdit. Et donc, parmi les salafs, il y en a qui ont expliqué la signification de at-taqwa comme Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, qui fait partie des salafs. Il dit, at-taqwa, c'est d'agir selon l'obéissance d'Allah, avec l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah, avec une science qui vient d'Allah. Et c'est également at-taqwa de laisser la désobéissance d'Allah par crainte du châtiment d'Allah avec une science venant d'Allah. C'est-à-dire tu crains Allah et tu crains son châtiment et tu espères en sa récompense et tu fais les actes pour obtenir cette récompense. Et ça c'est la définition de at-taqwa, mais tu dois le faire avec une nour. Min Allah, ça veut dire une lumière venant d'Allah. C'est pas craindre avec ignorance ou espérer avec ignorance. Non, espérer avec science. Ça veut dire que ton espoir est basé sur la science, c'est-à-dire une science authentique qui vient du Coran, qui vient de la Sunna. Ta religion, elle n'est pas basée sur qu'est-ce qu'un tel a raconté, qu'est-ce que l'autre a dit. Ta religion, elle est basée sur une science exacte, une science authentique, tirée des textes directement de la religion. Donc tu fais des efforts par toi-même pour chercher la science de ta religion en lisant les textes, en cherchant la science auprès des hommes de science et des ulama. Et les ulama qui s'accrochent à la sunna et qui sont méticuleux dans la recherche de la connaissance exacte et authentique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas des raconteurs, pas des gens qui font juste raconter des histoires, parce qu'il y en a plein comme ça sur Internet et sur YouTube, parce que quelqu'un il a la barbe et parce qu'il parle bien avec éloquence, on s'imagine que tout d'un coup c'est un savant. Or, les savants, ça ne se détermine pas uniquement par leur beau parler, et ça ne se détermine pas non plus parce qu'ils savent comment raconter des histoires de façon intéressante. Les ulama se calculent par rapport à leur piété et par rapport à leur savoir et leur connaissance tirée du Coran et de la sunna authentique. Et c'est ça qui détermine et qui distingue entre les ulama et ceux qui ne le sont pas. Donc si quelqu'un n'a pas de taqwa, il ne fait pas partie des ulama. S'il ne pratique pas la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des ulama. Ça, c'est clair. Et tant que le musulman, il continue à faire des efforts dans la piété et dans at-taqwa, il va avancer dans cette voie au point, comme Al-Hassan al-Basri l'a mentionné, que il va même délaisser parfois des choses halal, par crainte de tomber dans le haram. Parce que vous savez que dans la religion, il y a des choses qui sont clairement haram. Et il y a des choses qui sont clairement halal. Mais il y a, entre les deux, une zone qui est parfois grise. Et dans cette zone grise, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, al-halal ubayyin, wal-haram ubayyin, wa baynahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Il y a des choses halal qui sont claires. Il y a des choses haram qui sont claires. Personne doute. Mais il y en a d'autres qui sont un peu ambiguës. C'est une zone qui est un peu grise. Alors, dans ces zones grises, il faut faire attention. Il faut pas se lancer complètement. Il faut demander aux hommes de science, aux ulama de la religion, au sujet de ces zones grises, pour éviter de tomber dans le péché. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faman waqa'a fi shubuhat, waqa'a fi haram. Donc, faire attention à ça. Ça fait partie de at-taqwa aussi. Mais un niveau plus élevé parfois de taqwa. Il y a des gens qui disent, non, t'as pas besoin de faire tout ça. Ça y est, tu vas rentrer au paradis. Le paradis, il est dans ta poche, t'as gagné, ça y est. Pourquoi tu te fatigues? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui rentre au paradis, qui rentre pas. C'est pas moi, c'est pas toi. Mais en même temps, le paradis, il y a des degrés aussi. Toi, tu veux être où? En bas, le dernier? Ou tu veux être en haut, complètement au plus haut degré du paradis, dans le Firdaus? Chacun, il va avoir selon ce qu'il mérite. Chacun va avoir selon ce qu'il mérite, selon l'effort qu'il a fait. Si tu as fait beaucoup d'efforts, tu vas avoir beaucoup de récompenses. Si tu as fait moins d'efforts, tu vas avoir moins de récompenses. Et dans le châtiment, c'est la même chose aussi. Dans l'enfer, il y a des degrés. Il y a des profondeurs de l'abysse de l'enfer où seront les shayatines, où seront les munafiqines, où seront les ennemis d'Allah, les plus grands ennemis d'Allah, et il y en aura d'autres degrés pour ceux qui sont moins profondément dans la mécréance, moins profondément dans le shirk, ou qui avaient fait moins de mal, ils vont être punis, mais à des degrés différents. Jahannam darakat, wal janna darajat. Des degrés et des profondeurs. Et chacun selon son degré. وَلِكُلِّنْ Allah subhanahu wa ta'ala يَجْعَلْ دَرَجَتَهُ. Et ensuite, parmi les choses importantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans cette invocation, il a mentionné Al-Afaf. Et Al-Afaf, ça signifie que tu te purifies et que tu te nettoies de tout ce qui est mauvais ou de tout ce qui est sale. Et on le traduit par la chasteté parfois, parce que parmi les formes de Afaf, il y a le fait de rester loin de la turpitude, de la perversité, de la débauche, de toute forme de perversion, de s'écarter de la fornication et de l'adultère. Et dans toutes ces formes, l'adultère de l'œil, l'adultère de l'oreille, l'adultère de la bouche, l'adultère de la jambe, l'adultère de la main, parce que tout notre corps peut faire de l'adultère. Et également, au-dessus de tout ça, l'adultère des parties intimes. Et donc, ça c'est parmi les formes de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de lui donner cette qualité qui est al-afaf, d'être chaste. Et il lui a demandé al-ghina. Et al-ghina, ça veut dire d'être capable de se passer des gens, de pas demander aux autres de qu'est-ce qu'il y a dans leurs mains, de s'écarter de demander aux autres et de chercher ce qui vient d'Allah, de ne pas s'attacher aux gens, de ne pas attacher notre cœur dans ce qui est entre les mains des autres. Peu importe que Allah t'ait donné beaucoup ou que Allah t'ait donné peu. Parce que la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-rina rina nafs. Si quelqu'un, son cœur, il est riche, hein, même s'il est pauvre, il va sentir qu'il est content de ce que Allah lui a donné, satisfait. Cet homme-là, c'est le plus riche au monde, même s'il est pauvre. Mais celui qui est riche, mais son cœur, il a toujours la cupidité de vouloir obtenir plus et de vouloir s'enrichir plus, cet homme-là, c'est le plus pauvre, même s'il a toutes les richesses du monde. Al-rina rina nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme, la richesse du cœur. Et donc, on demande à Allah de faire en sorte qu'on n'ait pas à demander à quiconque ou à chercher quoi que ce soit de ce qui est entre les mains des gens et à chercher la subsistance que Allah nous a préparée pour nous-mêmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم